Unité 5. Page d'ouverture. Page 93. Piste 80. Activité 2 et 3. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Vous êtes 5 dans la famille? Oui, 5, et avec ma chatte Maya. Ça fait 6.